Vous écoutez L'Heure internationale, une émission qui traite d'actualité internationale et nationale pendant 60 minutes. Ici Alexandre Gauthier, on passe la prochaine heure ensemble à L'Heure internationale. Alors aujourd'hui, on est le 9 mars pour ceux qui écoutent l'émission en direct. Pour ceux qui sont à balado-diffusion, bien, regardez votre calendrier. Et c'est le post-jour de la femme. Alors, on fait un thématique femme aujourd'hui. On aura deux entrevues. La première avec Annie Lafontaine du Comité de solidarité Trois-Rivières à propos du mouvement des femmes d'Haïti, CAI Femmes, qui est une maison de femmes là-bas et qui travaille en partenariat avec le Comité de solidarité Trois-Rivières. C'est un partenaire de CAI Femmes, une maison de femmes à Haïti. Annie Lafontaine est-elle allée sur le terrain et elle va nous parler de ce qu'elle a vu, ce qu'elle a vécu là-bas. En deuxième entrevue, on a Joanne Blais du mouvement des femmes de la Mauricie, en fait, et qui va nous parler un peu là, au Québec, qu'est-ce que c'est la revendication des femmes et peut-être démystifier certaines revendications qu'on a peu la chance d'entendre et de s'éterniser un peu dans les médias plus traditionnels. Mais pour commencer, L'Heure internationale, François Landry avec un revue d'actualité international. Bonjour François. Bonjour Alexandre. Alors, c'était une grosse semaine encore une fois. Encore, ça pullule de nouvelles tellement qu'il y a de l'actualité. À chaque jour, on pourrait faire des prédictions aujourd'hui où ça va brasser. Et puis, c'est toujours les mêmes régions du monde qui bougent un peu plus. Pas choix, c'est la Libye encore et le monde arabe qui est en ébullition. J'ai pris deux articles qui m'ont parlé vraiment de la situation. Une en Libye, l'autre en Côte d'Ivoire, parce qu'il ne faut pas l'oublier, en Côte d'Ivoire aussi, avec la double présidentielle Ouattara et Laurent Gbagbo, il y a une guerre civile qui se dessine, mais on verra dans quelques instants où ça en est la situation. Il ne faut pas oublier ce pays-là. Donc, on commence par la Libye. C'est un texte de François Brousseau, qui est chroniqueur au Journal Le Devoir, issu de l'édition du 7 mars. Son titre, « Intervenir ». Tu parlais la semaine passée, deux poids, deux mesures concernant les avoirs de Kadhafi au Canada. Savoir le Canada, comment ça se fait qu'il réagit aussi vite contre Kadhafi, alors que pour Ben Ali, le président déchu de la Tunisie, ça tarde à venir. Et là, François Brousseau, lui, parle plutôt de l'OTAN. Est-ce que l'OTAN doit intervenir ou non en Libye? On sait qu'il y a beaucoup de pression faite sur le président Obama pour avoir une zone d'exclusion aérienne afin de faciliter le transport des ressortissants ou de l'aide alimentaire ou d'aide humanitaire, parce qu'il y a une crise très grave qui se dessine en Libye. Mais là, Obama, très frileux, la France aussi frileuse, ils veulent que ça bouge, mais ils ne sont pas prêts à intervenir militairement pour, du moins, calmer le jeu. Pas nécessairement pour enlever Kadhafi du trône, mais pour calmer le jeu. Et pourquoi est-ce que l'OTAN ne veut pas intervenir? Il faut savoir que en 2003, lors de l'invasion en Irak, donc la guerre irakienne qui perdure jusqu'à aujourd'hui encore, a vraiment ruiné le trésor américain. Et pourquoi? Dans le fond, c'est quoi la résultante de tout ça avec les dépenses des centaines de milliards de dollars faites là? Absolument pour rien, selon François Brousseau du Devoir. Il dit le contrôle du pétrole, c'est l'État irakien qui en a le contrôle, mais la capacité de production vient tout juste de rattraper la capacité de production d'avant l'invasion en 2003. Donc, ça a repris quand même 8 ans pour rattraper le terrain perdu. Et qui profite de cette manne-là? C'est en priorité l'État irakien. Ensuite, des intérêts russes, chinois et norvégiens. Pas du tout américains. Il n'y a pas d'industrie pétrolière en Irak présentement. Donc, l'invasion a coûté cher pour rien. Et en plus d'une invasion qui a coûté cher pour rien, ça l'a ouvert la voie à la résurgence de l'Iran, qui est la voisine immédiate de l'Irak. On sait avec Ahmadinejad, il se sert justement de l'impérialisme américain en Irak pour se maintenir au pouvoir et pour durcir le ton sur la scène internationale avec son développement de sa puissance nucléaire et tout ça. Donc, ça reste à voir pourquoi l'OTAN ne veut pas intervenir en Libye. La leçon irakienne, la leçon Afghanistan aussi. Et de par le fait même, avec qui devrait-on négocier en Libye? Il n'y a pas de parti d'opposition, puisque ça n'existe pas. Il n'y a pas de leader issu de la CIA américaine, pour être un peu dans la paranoïa, dans le complot. Il n'y a personne avec qui négocier. Le seul qu'on connaît en Libye, c'est Kadhafi lui-même, parce que l'OTAN avait des ententes avec le régime de Kadhafi. Et là, est-ce qu'on va tirer sur notre allié? Est-ce qu'on va négocier avec des rebelles qui sont dans la rue, qui n'ont aucun discours officiel? Donc, l'OTAN ne veut pas et n'interviendra pas en Libye, du moins pour le moment, jusqu'à temps qu'il y ait vraiment une porte de sortie qui est offerte par Kadhafi. La seule porte de sortie serait le déclenchement d'une guerre civile officielle. De par le relâchement, on sait que Kadhafi a des stocks d'armes chimiques et bactériologiques en sa possession. S'il s'en sert, ça pourrait légitimer une invasion, du moins américaine, en Libye. Mais c'est un pensée-y bien hein, pour le peuple libyen, des fois qui fait la demande ou qui aimerait, qui souhaiterait que l'OTAN intervienne. Parce que si on regarde l'Afghanistan, cette semaine, il y a une déclaration du président Hamid Karzai et qui est, dans le fond, lui, ce qui sort sur la place publique pour dire arrêtez de tuer des civils. Et il dit ça à l'OTAN. Parce que l'invasion de l'Afghanistan, ça fait des morts, ça fait des morts beaucoup chez les civils, beaucoup de pauvreté, des morts indirectes, mais des morts directes aussi, là, des obus qui tombent sur la mauvaise personne et des choses comme ça. Et durant la dernière semaine, il y a eu ces 9 jeunes qui ramassaient du bois, quelque chose comme ça, et il y a eu une bavure militaire finalement. Il y a un hélicoptère qui leur a tiré dessus, les 9 enfants sont morts, et c'est des civils, là. Ils n'étaient pas affiliés à un groupe taliban ou quelque chose comme ça. Et ça a fait réagir un peu partout dans le monde. Et Hamid Karzai a déclaré, et la citation est quand même assez intéressante, « L'OTAN doit cesser ses meurtres qui jettent la population dans les bras de la rébellion menée par les talibans. » Alors, ce que Karzai dit, c'est quand on fait 9 jeunes qui meurent comme ça, combien de talibans on vient de créer? Combien d'insurgés on vient de créer? Parce que ça améliore pas, du moins, l'image que l'OTAN a là-bas. Donc, c'est sûr que des fois, ça peut être tentant pour les Libyens de dire « on aimerait bien ça que l'OTAN vienne », mais c'est à y penser. Là, l'Afghanistan, ça fait des morts beaucoup chez les civils et l'occupation est lourde à porter par après. Exactement. Donc, très bon point de vue. Hamid Karzai, on sait, un ancien partenaire des Américains qui vire sa veste de bord, voyant justement le côté négatif de l'occupation américaine en Afghanistan. Parce qu'il faut qu'il montre qu'il y a un certain pouvoir là-bas et il essaie de se détacher de son rôle de marionnette, en fait, là, parce que sinon, il n'y aura jamais la légitimité de son peuple, c'est sûr. Tout à fait, tout à fait. Hamid Karzai, le président officiel de l'Afghanistan, mais dans les faits, c'est le maire de Kaboul. Il ne dirige pas grand territoire. Autre nouvelle, donc, on revient sur la Côte d'Ivoire. C'est la Radio France internationale qui nous apprenait ceci. Il n'y a présentement aucun journaliste en Côte d'Ivoire. Ils sont expulsés du pays. Il n'y a pas d'observateurs internationaux non plus, aucun casque bleu. Donc, qu'est-ce qui se passe là-bas? Ce sont des dépêches, soit d'un parti ou de l'autre, de Ouattara ou de Gbagbo, qui nous proviennent, mais avec des filtres, avec une langue de bois. Donc, les journalistes doivent faire appel à leurs contacts locaux ou à des oui-dire confirmés par d'autres personnes pour savoir ce qui se passe. Mais RFI dévoilait qu'il y avait présentement dans l'ouest du pays, donc à la frontière avec le Libéria, haute zone assez instable, des combats meurtriers entre les deux factions, entre les pro-Ouattara et les pro-Gbagbo. Et ça fait les dommages collatéraux qui s'en suivent font en sorte que des dizaines de milliers de civils qui sont déportés, soit par la force, soit donc non pas une purge, mais un déplacement de population, ou par crainte des combats ou d'être tué de par les deux factions. Donc, présentement, dans l'Ouest, les villes tombent une par une, soit pour un clan ou l'autre, et la population est la victime très naïve de cette guerre de combat de coq en Côte d'Ivoire. Ensuite, on sort complètement de ce dossier-là, mais les révolutions dans le monde arabe ont des répercussions aussi dans le monde un petit peu plus européen, disons-le ça, comme ça. En Géorgie, on sait un ancien État socialiste soviétique qui a maintenu son indépendance, appelle aussi, donc l'opposition géorgienne appelle au soulèvement armé du peuple contre le pouvoir présentement établi. Donc, ça joue très dur là-bas. L'armée s'est déployée pour prévenir toute révolution parce que la Géorgie, une zone très instable dans le Caucase, à côté de la Tchétchénie, où ça brasse aussi, où il y a une guerre civile qui fait rage depuis la chute du mur de Berlin en 89 quasiment. Donc, et qui pourrait aussi dépeindre sur la Russie voisine. Et si la Russie s'embrase, là, on s'entend que ça en est fini pour le monde. Donc, la Géorgie, l'opposition géorgienne appelle au soulèvement des masses contre le gouvernement en place présentement, un gouvernement un petit peu trop proche de la haute bourgeoisie. Et, ça en dit long sur les faits. Ils appellent justement à créer en Géorgie une seconde Égypte, moubarakisation du mouvement d'opposition. Donc, c'est à voir et à ne pas prendre avec une pincée de sel. C'est vraiment à surveiller là aussi. Et autre dernière nouvelle, là, c'est nos amis français. Ils m'étonneront toujours, nos chers cousins français. Donc, je vous avais dit la semaine passée, Dominique de Villepin, qui est en pré-campagne électorale avec sa mesure progressiste, si on veut, sur un salaire... Un revenu citoyen. Ben oui, c'est ça. Là, cette semaine, c'est Marine Le Pen qui fait parler d'elle. Ben oui, la fille de l'autre. La fille de l'autre, la nouvelle chef du Front National, donc mouvement d'extrême droite français, donc c'est d'où la réputation des plus à faire. Il y a eu deux sondages. Et ce matin, avant d'entrer en onde, il y a eu un troisième sondage qui est sorti et ça confirme les deux autres sondages. Mais le beau de l'affaire n'est pas nécessairement là. Les deux sondages prédisent qu'au premier tour de la présidentielle de 2012, Nicolas Sarkozy, donc chef de l'UMP présentement et président de la République, ne pourrait même pas passer le premier tour. Donc, il y aurait, pour le second tour, Marine Le Pen et Martine Aubry ou Dominique Strauss-Kahn, du Parti socialiste. Un ou l'autre, parce que le Parti socialiste n'a pas encore décidé qui serait le candidat du PS pour la présidentielle. Donc, Marine Le Pen s'en sortirait avec 24%, donc le quart des votes dès le premier tour. Et les autres partis, Parti socialiste, iraient avec 21 à 23% selon les sondages. Et Nicolas Sarkozy, entre 18 et 21% selon les sondages. Donc, il ne serait même pas passé premier tour. Mais là, au lieu de dire, OK, on va remonter la pente, je parle au nom de l'UMP de Nicolas Sarkozy, là. Au lieu de remonter la pente puis avoir des mesures à la limite populistes afin de graver les échelons et freiner la montée de l'extrême droite en France, on va s'en prendre à la méthodologie du sondage. Donc, ils vont passer une loi bientôt pour la transparence des sondages en France. Des sénateurs de l'UMP qui disent que les firmes de sondage sont achetées par les groupes d'extrême droite pour fausser les données. Donc, au lieu d'aller vraiment dans la mesure qui plairait à la population française, on tire sur le pigeon voyageur qui est la firme de sondage. Donc, c'est ce que j'aime des Français. Ils sont très forts habituellement dans la diplomatie, dans l'art politique, mais quand ça ne fait pas leur affaire, ils tentent de noyer de noyer le porteur du message plutôt que de dire on va remonter dans les sondages, il nous reste un an, peut-être 18 mois pour faire ça. Donc, merci la France de me réjouir de même. Oui, j'ai quelques nouvelles qui viennent du Canada. En fait, toujours dans les sondages, François, il y a un sondage qui est sorti la semaine dernière. Ça avait rapport avec la mission canadienne en Afghanistan. Donc là, présentement, sans débat, il y a le projet sur la table, en fait, c'est de continuer la mission canadienne en Afghanistan, la prolonger au-delà de 2011-2012 et on ne sait pas quand est-ce que ça peut s'arrêter, et de la transférer finalement d'un rôle de mission de combat à Kandahar à mission de formation encore un peu nébuleuse. On ne sait pas combien ça peut coûter, combien il y aura de soldats. Les paramètres ne sont pas trop définis. Il y a seulement comme une volonté, en fait, qui vient du Parti conservateur, appuyé par le Parti libéral, principalement. Et tout ça, bon, sans que ça soit un enjeu électoral, sans qu'il y ait de vote non plus à la Chambre. Donc, il y a un sondage qui sort et, très intéressant, le chiffre, 63% des Canadiens s'opposent au prolongement de cette mission-là en Afghanistan. 63%. Là, l'idée, c'est que ceux qui sont pour la poursuite de la mission, c'est pas la balance, parce qu'il y a un 10% à peu près d'indécis. Donc, c'est plus du 2/3 des répondants, donc des Canadiens, si on se fie à balise que le sondage nous donne. Donc, le 2/3 des Canadiens sont contre le prolongement de cette mission. Ils sont pour qu'on ramène les troupes à la maison, qu'on arrête ce qu'on fait en Afghanistan, qui coûte présentement 2 milliards par année depuis 10 ans, et on s'en va pour mettre encore 1,5 milliard, on ne sait pas encore combien, pendant combien, encore un autre 10 ans. Ça, c'est de l'argent qui ne s'en va pas en santé, en éducation, en travail, en emploi, en chômage. C'est de l'argent qu'on perd, là. On l'envoie en Afghanistan directement. Donc, 63% des Canadiens sont contre. Et au Québec, comme toujours, plus pacifiste, 75% des Québécois qui ont répondu. 75, c'est 3/4. Et ça, il y a encore une dizaine de pourcents d'indécis, là. Donc, il n'y a pas beaucoup de Québécois qui appuient la mission présentement en Afghanistan. Par contre, sans vote, sans faire un enjeu électoral, sans parler plus que ça, on s'apprête à la prolonger pour une durée indéterminée. Avec un budget indéterminé aussi. Oui, tout à fait. En fait, ça coûtera ce que ça coûtera, mais il y a des femmes à sauver là-bas. D'ailleurs, parlant des femmes afghanes, c'est une petite bride, je ne l'avais pas noté, mais hier, j'écoutais à la radio, un peu pour le 8 mars, là, je faisais une petite revue de ce qui se disait, et j'ai pas réussi à noter le nom de ce type, mais c'est un chercheur de l'Institut économique de Montréal, en fait, et qui il commente la journée de la femme. Donc, si on allait chercher un économiste, va savoir un homme, et il commente un peu la journée de la femme en disant que les femmes ici, c'est moins pire qu'ailleurs et qu'il y a encore du chemin à faire sur les conseils d'administration des grosses entreprises, etc., etc. Mais finalement, il se mouille à la fin en parlant un peu politique, chose qu'il n'aurait pas dû faire. On voyait, c'est clairement pas son champ de compétences. Et il déclare, au-delà de le droit de vote, au-delà du droit de signer des contrats, au-delà de tous ces droits-là que les femmes ont acquis, ce qui a vraiment le plus libéré la femme au cours des années 50-60, et là, attache ta tuque, François. C'est l'arrivée des lave-vaisselles et des électroménagers. Parce que ça libère du temps aux femmes. Maintenant, ils ont le temps d'aller travailler et d'avoir des emplois, là, plus qu'aller faire la bonne ou faire un petit job-in sur le side. Là, ils ont le temps. Ils ont un lave-vaisselle, ils ont une laveuse, des choses comme ça. Donc, pour lui, le rôle de la femme n'a pas tant changé. Seulement, elle a plus de temps maintenant. Donc, c'est grâce à la technologie que la femme s'est émancipée, selon ses dires, de ce type de l'Institut économique de Montréal. Tout à fait. Et je vais garder ma source anonyme, mais j'en ai parlé à une femme. Et ce qu'elle m'a répondu, c'est « Bon, ben coudonc, qui envoie des lave-vaisselles en Afghanistan au lieu des soldats. Si c'est ça qui libère les femmes, c'est dit. C'est de la pure misogynie crasse. Non, mais tu vois, le gars, peut-être qu'il était très bon en économie, mais quand il est sorti de son domaine d'expertise, là, il s'est mis le pied dans la bouche. Et je suis pas sûr, mais parce que je zappais à la radio en voiture, mais je crois que c'était à Radio X. Et même le gars de Radio X a eu un petit froid, là. T'sais. Oh, ça en dit long. Il a comme, oups. Il a comme dit, merci, on passe à une autre entrevue. Alors, ça m'a fait bien rire. Ouais, rire jaune, j'espère. Oui, que... et là, on parle de dépenses tout à l'heure. Afghanistan qui coûte très cher, on sait pas combien ça va coûter. Les F-35, l'avion qu'on a choisi, en fait, que le caucus du Parti conservateur a choisi d'acheter. Combien ça va coûter, ça? Mais attends, c'était 65 millions au départ? Ben, on parlait de 75 millions, 75, c'est le chiffre qui est sorti. 75. Et à ça, il faut ajouter l'entretien, il faut ajouter un paquet de chiffres. Sauf que là, il y a Kevin Page. Lui, c'est le directeur parlementaire du budget. Donc, c'est lui qui vérifie un peu les chiffres là, qui sont dans le budget. Le chien de garde de l'économie. C'est ça, exact. Et lui, il est pas partisan, il appartient pas à un parti. Il est vraiment là, c'est comme la vérificatrice générale ou un truc comme ça. Et il sort bientôt une étude, en fait, en disant ça va coûter probablement plus que 75 millions. OK. Kevin Page dit, je sais pas où sont allés chercher le chiffre de 75 millions, mais selon toute vraisemblance, et ça fait depuis l'automne qu'il travaille là-dessus avec son équipe, et il dit, on peut pas réalistement penser que ça va nous coûter pour vrai 75 millions, ça va être plus cher. Mais il dit, on sait pas combien. Ça peut être un peu plus cher, ça peut être vraiment plus cher, mais à l'heure actuelle, avec les données qu'on a, on peut pas affirmer à 100% que ça va être 75 millions, il dit, et c'est à peu près sûr que ça va être plus. C'est un gars crédible quand même. C'est quand il parle habituellement, il faut l'écouter parce qu'il y a quand même la notoriété et la crédibilité et surtout l'expérience pour ce genre de contrats gouvernementaux. Donc, 65 millions, mais peut-être si on en parle aux conservateurs, il va dire « Ouais, mais 75 millions, c'était le premier versement qu'on voulait parler. » Là. T'sais, ça va, les 140 millions vont suivre. Là. Mais on va plus loin. Winslow Wheeler, je suis sûr que j'ai massacré son nom avec mon accent anglais, mais Winslow Wheeler, c'est un homologue un peu là, de Kevin Page aux États-Unis. Il travaille pour le Center for Defense Information basé à Washington. C'est un espèce de centre d'analyse indépendant des dépenses militaires. Et ils ont produit un rapport sur la situation canadienne avec nos F-35. Et dans son rapport qui a été obtenu par Le Devoir, c'est Alec Castonguay qui relaye la nouvelle. Et même ce type-là aux États-Unis, ce chercheur-là, dit, je ne sais pas où ils sont allés chercher 75 millions. Ça coûtera pas ça. Ça va être bien plus que 75 millions. Il dit, même nous, présentement, on est aux États-Unis. Je veux dire, c'est nous autres qui vont en acheter le plus, mais on ne sait pas combien on va y payer. Il dit, comment le Canada peut affirmer ça? Il dit, ils se sont fait vendre le projet par Lockheed Martin à ce prix-là. Ben, il dit, c'est sûr que ce ne sera pas ça. Parce que juste au niveau de la... Il est en conception, présentement, l'avion. Et il y a un paquet de ratés au niveau de la technique. Ça va coûter plus cher à le développer. Et il y a plusieurs pays aussi qui retirent de leur carnet de commandes. Donc, ça va faire monter le prix. Juste présentement, dans les pays du nord de l'Europe, en fait, il y a plusieurs qui sont en train de réviser leur prix à 25, 30, 35% à la hausse de ce qu'ils avaient déjà prévu. Et le Canada, on nous dit, non, ça va rester ce prix-là. Je dis, c'est réalistement, il faut s'attendre à payer plus cher. Et plus cher, là, ça veut dire vraiment plus cher. On a-tu les moyens, à un moment donné, de s'acheter ces avions-là? Et même, il y a une étude qui est très intéressante du CCPA, le Canadian Center for Politic Alternative. Ouais, l'équivalent de l'IRIS, mais pour le Canada anglais. Oui, donc eux autres, ils vont chercher un peu des affaires du gouvernement et ils ont produit une super belle étude qui s'appelle Pilot erreur, donc pilot error, comme erreur du pilote, y a-t-il un pilote dans l'avion? Et on en a fait une traduction d'ailleurs sur le site stopponsledépensesmilitaires.com. Dans la section téléchargement, il y a la traduction, c'est une étude d'une dizaine de pages environ, et qui explique à quel point c'est pas un bon choix d'appareil. Même si on acceptait de payer le prix, là, avec cet argent-là, on serait bien mieux de s'acheter d'autres types d'aéronefs. Et potentiellement, ils vont coûter moins cher, ces aéronefs-là. Parce que, là, je ne vais pas faire tout le recensement de l'étude, mais rapidement, on parle, c'est un avion hautement technologique, indétectable aux radars sophistiqués, et qui, sa spécialité, c'est les attaques air-sol. Donc, la question que l'étude du CPA pose en partant, c'est qui on veut attaquer? C'est la bonne question, parce que Harper nous vend ce projet-là pour le Grand Nord canadien. On sait que la voie navigable de l'Arctique va bientôt se débloquer. Il va construire une base maritime dans le Grand Nord. Et là, il nous vend le projet des F-35 pour dire l'espace maritime canadien se doit d'être protégé. Donc, tout le monde applaudit. On a toujours peur des méchants soviétiques qui habitent de l'autre côté, donc de l'Arctique. Mais si tu dis que l'avion F-35 est fait pour de l'attaque air-sol, est-ce qu'on crée un débarquement russe sur la terre de Baffin? Ben oui, et même la question c'est, OK, mais pourquoi on les veut indétectables au radar? Si on veut faire peur aux Russes, on est bien mieux d'avoir un avion détectable au radar qui sache qu'on est là. Pourquoi on a besoin de se cacher? Et même, en tout cas, ça c'est dans les spécificités techniques de l'avion, mais présentement, il n'est pas capable d'atterrir dans le nord. Selon les caractéristiques de l'appareil, il n'est pas fait pour ça. Donc, c'est un peu bizarre. Et l'autre chose à quoi ça pourrait servir, c'est, mettons, un peu comme le 11 septembre, des avions civils détournés qui voudraient rentrer dans le Centre Bell ou je sais pas, quelque chose comme ça. T'sais. Dans le Centre Vidéotron à Québec. Oui, mais ça pourrait arriver. Maintenant, est-ce que c'est un bon avion pour ce genre-là? Non, dans la mesure où c'est un avion qui... On n'a pas besoin d'avion très technologique. Là, on parle d'intercepter un Boeing. Je veux dire, c'est assez facile à faire. Les F-18 qu'on a présentement le feraient en masse. Et ce qu'on veut, en fait, à ce moment-là, c'est pas avoir plein d'avions basés au même endroit et qui peuvent intervenir n'importe quand, n'importe où dans le Canada, parce que ça peut arriver n'importe où, ce genre d'attaque-là. Ce qu'on voudrait, à ce moment-là, si c'est ça le but, on veut des avions peut-être moins technologiques, mais qu'on peut mettre un peu partout dans le Canada pour être prêt à intervenir n'importe où, là. Donc, à ce moment-là, c'est encore un mauvais choix, le F-35. Et le dernier truc, c'est pour faire des interventions à l'étranger. Là, le but, c'est que les États-Unis vont en acheter 500 des avions comme ça. L'Angleterre va en acheter encore des centaines. Nous, on va en avoir 65. Et ça peut servir dans des cas de conflit, de guerre, mais contre des adversaires traditionnels. Ça veut dire des adversaires qui ont des radars, qui ont des cibles au sol, pas des talibans, pas le genre d'intervention qu'on fait présentement. Et là, ça va servir, et juste dans les premiers jours du conflit. Parce que présentement, en Afghanistan, même si on envoyait nos CF-18, ils vont attaquer quoi? Ils n'en ont pas d'avions, les talibans. C'est pas ça qu'on a besoin au niveau technique opérationnelle, ces avions-là. Présentement, ça va être une grosse dépense d'argent. Il n'y a aucune garantie de retombée économique régionale. C'est pas le bon type d'appareil. Il y a un paquet de lacunes techniques. Et c'est un contrat qu'on n'a pas soumis au vote. Grâce, entre autres, à la complicité du Bloc québécois. Et ça, là-dessus, je suis complètement déçu de la position du Bloc qui, dans le fond, malgré tout ça sur l'appareil, et ils savent, là, c'est tout ce qu'on vient de dire, on vient pas de l'inventer, c'est connu, c'est documenté, ils doivent le savoir. Mais ils choisissent d'appuyer pareil parce qu'il y a plusieurs industries militaires qui se situent au Québec et pour eux, peu importe à quoi ça sert, quand on dépense de l'argent dans le militaire, tant que la juste part revient au Québec, on est correct. Mais à un moment donné, il va falloir avoir un discours plus évolué que ça, là. Ça peut pas juste marcher comme ça. Si on veut faire un pays, là, ça va prendre plus que ce genre de position-là. Quand on va avoir un pays, ça va être quoi? Notre politique extérieure, notre politique de la défense, notre politique de l'armée, des affaires étrangères. Faut se positionner. Le Bloc va quand même revendiquer au moins 10 appareils des 65. Là. Ils vont dire, donnez-nous notre part. Là. Le Québec a le droit à sa juste part d'appareils F-35. Là. Hein? On est prêt à payer 200-300$. Bon. Ben, c'est vrai, au prix qu'on va les avoir payés. En tout cas. Alors, ça fait le tour de l'actualité, François? Oui, pour l'instant. On se revoit la semaine prochaine. Avec plaisir. Pour d'autres nouvelles internationales, c'était François Landry pour la revue d'actualité international. En cette journée de la femme, je vais diffuser un homme, donc grand bien m'en fasse, mais c'est tout un homme, c'est Renaud qui a fait une chanson qui s'appelle Miss Maggie, et c'est à propos de Margaret Thatcher, et c'est comme une ode aux femmes en général, en disant que les femmes sont merveilleuses, sauf Madame Thatcher, qui elle, en tout cas, on voit qu'il la porte pas vraiment dans son cœur, notamment lorsqu'il dit qu'il aimerait se l'offrir comme réverbère quotidien. En tout cas, je vous laisse l'écouter. Renaud. Putain, qui bien souvent est les mêmes. femme normale, star ou boudin, femelle en tout genre, je vous aime. Même à la dernière déconne, je veux dédier ces quelques vers issus de mon dégoût des hommes et de leur morale guerrière. Car aucune femme sur la planète sera jamais plus con que son frère, ni plus fière, ni plus malhonnête, à part peut-être Madame Thatcher. Femme, je t'aime parce que lorsque le sport devient la guerre, y a pas de gonzesse ou si peu dans les hordes de supporters. Des fanatiques fous furieux, abreuvés de haine et de bière, déifiant les crétins en bleu, insultant les salauds en fer. Y a pas de gonzesse ou liane, imbécile et meurtrière, y'en a pas même en Grande-Bretagne, à part bien sûr Madame Thatcher. Je t'aime parce que une bagnole entre les pognes, tu ne deviens pas aussi con que ces pauvres tarés qui se cognent. Pour un phare un peu amoché ou pour un doigt tendu bien haut, y en a qui vont jusqu'à flinguer pour sauver leur autoradio. Le bras d'honneur de ces cons-là, aucune femme n'est assez vulgaire pour l'employer à tour de bras, à part peut-être Madame Thatcher. Parce que tu vas pas mourir à la guerre, parce que la vue d'une arme à feu fait pas frissonner tes ovaires. Parce que dans les rangs des chasseurs qui dégomment la tourterelle et occasionnellement les beurs, j'ai jamais vu une femelle. Pas une femme n'est assez minable pour astiquer un revolver et se sentir invulnérable, à part bien sûr Madame Thatcher. C'est pas d'un cerveau féminin qu'est sortie la bombe atomique, et pas une femme a sur les mains le sang des Indiens d'Amérique. Palestiniens et Arméniens témoignent du fond de leur tombeau qu'un génocide c'est masculin, comme un SS, un torero. Dans cette putain d'humanité, les assassins sont tous des frères, pas une femme pour rivaliser, à part peut-être Madame Thatcher. Femme, je t'aime surtout enfin pour ta faiblesse et pour tes yeux, quand la force de l'homme ne tient que dans son flingue ou dans sa queue. Et quand viendra l'heure dernière, l'enfer sera peuplé de crétins, jouant au foot ou à la guerre, à celui qui pisse le plus loin. Moi je me changerai en chien si je peux rester sur la terre, et comme réverbère quotidien, je m'offrirai Madame Thatcher. C'était Renaud sur les ondes de Cifou à l'émission L'Heure internationale, une émission produite et animée par le Comité de solidarité de Trois-Rivières. Alors, avec moi, j'ai Annie Lafontaine. Bonjour, Annie. Oui, bonjour. Alors, Annie Lafontaine, qui est du Comité de solidarité de Trois-Rivières, on est le 9 mars, en fait, le lendemain de la Journée internationale de la femme. Et le Comité de solidarité, vous travaillez en solidarité avec des femmes d'Haïti. Oui, on travaille en solidarité avec des femmes d'Haïti et d'ailleurs aussi, mais d'Haïti depuis bon nombre d'années. Et donc, votre partenaire là-bas s'appelle CAIFAM. Oui, exactement. C'est un organisme en fait de promotion des droits des femmes et d'encadrement des femmes victimes de violences. Alors, ça fait combien d'années que vous travaillez avec CAIFAM? Nos premières relations avec CAIFAM datent d'autour de 1993, donc ça fait, là j'ai pas fait le décompte, ça fait plusieurs années. ça fait au-delà de 15 ans, en fait, qu'on travaille avec CAIFAM. Peut-être ce qu'il faut dire, c'est qu'en Haïti, le mouvement des femmes est très important, là, et au niveau des mouvements sociaux, le mouvement des femmes est très, très articulé, très mature dans l'avancement, en fait, des droits de la personne. Et là, depuis 93, quand vous avez commencé à travailler avec eux, j'imagine que la situation a beaucoup changé au niveau... récemment, du moins, ça a dû beaucoup changer avec le tremblement de terre. Ouais. Et qu'est-ce que c'est la situation actuelle là, des femmes qu'on peut voir sur le terrain là-bas? Bien, en fait, peut-être pour revenir un peu là, à votre première question, effectivement, depuis que le mouvement des femmes existe en Haïti, il y a eu beaucoup de changements là, de façon rapide, là, même je dirais dans les 20 dernières années, le mouvement des femmes a fait des progressions importantes. Entre autres, on leur doit là, la création du ministère de la condition féminine et aux droits des femmes en 1994. Il y a eu des changements importants dans les lois, notamment sur toute la question du viol, qui avant n'était pas considéré comme un crime, mais davantage une atteinte à l'honneur. Donc, vraiment, il y a eu des pas très, très importants de ce côté-là. La prise de conscience aussi de la part des femmes là, de la violence faite aux femmes. Donc, évidemment, il y a beaucoup de plus en plus de dénonciations. Les femmes sont beaucoup plus conscientes. Il y a eu une série là depuis les 20 dernières années là, d'événements pour démontrer l'importance, en fait, de dénoncer les agresseurs, que ces gens-là ne doivent plus vivre dans l'impunité. Alors, tout ça, c'est fait de façon accélérée, je dirais. Il reste encore beaucoup de travail à faire, évidemment, mais c'est assez important là, ce que le mouvement des femmes a réalisé en Haïti. Puis bon, quand je parle du mouvement des femmes, c'est à tous les niveaux. Il y a des organisations qui travaillent davantage sur des questions d'ordre politique, de plaidoyer, de travail très en symbiose, même je dirais, avec le ministère de la condition féminine pour justement faire changer les lois, pour travailler des projets de loi. Puis il y a du travail qui se fait aussi à la base là, d'encadrement et de réhabilitation des femmes victimes de violences, hébergement, accompagnement, suivi juridique, aide médicale, etc. Donc, tout ça, c'est un travail qui se fait là, sur les deux fronts. Et c'est le genre de travail aussi que mène CAIFAM, entre autres. CAIFAM, ça signifie la maison des femmes. Donc, c'est une organisation qui au départ, accueillait des femmes victimes de violences, mais qui a élargi aussi son travail, là, qui fait beaucoup de travail de plaidoyer, d'éducation, de sensibilisation et de mobilisation citoyenne aussi, plus largement, là, au niveau des hommes et des femmes. Et vous êtes allée en Haïti au cours de l'année dernière? Oui. Comment c'est là-bas? Ben évidemment, le mouvement des femmes, qui avait, comme je le disais tout à l'heure, qui avait atteint une certaine maturité, qui était très présent là dans les différentes structures en Haïti, a subi un dur coup là suite aux événements du 12 janvier, parce que on a fait un énorme pas en arrière là avec la situation actuelle. Bon, évidemment, on sait qu'en Haïti, avant même les événements du 12 janvier, 80% de la survie de la famille dépendait des femmes. Donc, aujourd'hui, c'est à peu près 6 personnes, en fait, qui étaient à la charge d'une femme. Aujourd'hui, on peut en compter une dizaine, là, qui sont sous l'aile, en fait, d'une femme là, dans un ménage. Alors, ça fait une différence très, très marquée. L'augmentation de la pauvreté, les conditions insalubres, un taux de promiscuité très, très élevé qui fait en sorte que l'augmentation de la violence dans les camps, viol, violence conjugale, etc., a décuplé là, dans la dernière année. Donc, évidemment, les groupes de femmes se sont mobilisés là, tout de suite au lendemain du séisme. Déjà, il y avait des activités de sensibilisation, d'éducation de la population dans les camps, de distribution de kits sanitaires, etc. pour les femmes. Ça n'a pas pris 2 semaines, je pense que déjà le mouvement des femmes était en action pour prévenir au niveau de la violence, parce que compte tenu des conditions d'habitation qui existait là, suite au 12 janvier, il était clair que la violence allait augmenter. Mais oui. Et le partenaire sur le terrain, les besoins qu'il évoque, c'est quoi présentement, là, CAIFAM sur le terrain là-bas? Les besoins, ben en fait les besoins sont à tous les niveaux là évidemment là il y a des demandes de plus en plus là, de demandes d'assistance là, de la part de la population pour des suivis des poursuites juridiques il y a aussi des demandes là d'encadrement psychologique post-traumatique parce que il y a toute la question de la perte de la famille, etc. Il y a des enfants qui se retrouvent actuellement seuls dans les rues. Donc, ça, c'est des besoins, je dirais, qui sont auxquels elles doivent là, répondre là, de façon assez prioritaire. C'est ces besoins-là, je pense, auxquels elles ont beaucoup répondu. Puis, ce qu'il faut dire aussi, c'est que, bon, il y a ces besoins-là, mais aussi au sein du mouvement des femmes, il y a eu des pertes importantes là. Il fallait se reconstruire, c'est-à-dire sur le plan physique là, de la chose, les locaux, etc. Plusieurs de ces organisations-là ont tout perdu, des dossiers, des poursuites juridiques, par exemple, qui sont complètement perdus sur les débris. Donc c'est beaucoup de travail en fait qu'on retrouve là, dans les décombres, mais aussi sur le plan de la militance, parce qu'il y a eu plusieurs pertes de vie humaine, notamment des femmes importantes en Haïti, dont Myriam Merlet, Anne-Marie Coriolan, Magali Marcelin, qui était une des membres fondatrices de l'organisation CAIFAM. Donc ces femmes-là jouaient un rôle déterminant en fait dans la lutte des femmes en Haïti, notamment là, au niveau des plaidoyers auprès du gouvernement haïtien. Donc souvent c'était ces femmes-là qui écrivaient les lois, qui faisaient les propositions de loi parce que le gouvernement avait pas cette capacité-là. Alors c'est quand même des pertes très importantes là, tant sur le plan physique que sur le plan humain. Donc c'est cette reconstruction-là en fait que les femmes ont déjà mis en branle, qui reste encore beaucoup à faire, mais elles ont été extrêmement fortes là, dans les événements. Et si quelqu'un entend le message un peu et voudrait appuyer un organisme comme CAIFAM via le comité de solidarité, c'est possible? Oui, effectivement, c'est possible. Ils en ont beaucoup besoin actuellement. CAIFAM reconstruit, en fait, ses locaux parce qu'ils ont une maison d'hébergement pour les jeunes filles victimes de violences, c'est-à-dire de 0 à 18 ans, et aussi une maison d'hébergement pour les femmes victimes de violences. Mais ces deux bâtiments-là ont été condamnés. Alors, il faut reconstruire. Ils sont dans le processus de reconstruction, un processus qui coûte très, très cher aussi, qui demande là, beaucoup de ressources. Alors, évidemment, on appuie ces organisations-là là, dans la reconstruction. C'est possible de le faire là, à travers le site du comité de solidarité au www.cs3r.org. Donc, il y a un onglet, là, faites un don. Alors, pour les gens qui souhaitent soutenir ces organisations-là, ils en ont beaucoup de besoin. Et au comité de solidarité, on maintient, en fait, là, une campagne de financement justement pour que ces organisations-là poursuivent leur travail et pour permettre aux femmes en Haïti aussi d'avoir accès à la justice sociale. Et la grande différence entre faire un don au comité de solidarité Trois-Rivières pour appuyer CAIFAM et faire un don à un plus gros organisme, mettons, la différence, c'est que là, on sait sur quel projet ça va aller. On connaît le destinataire et même le comité peut évaluer là, les résultats de ce que ça donne de donner cet argent-là. Oui, effectivement. Nous, on est en contact là, de façon assez étroite là, avec ces organisations-là. Puis même que la directrice en fait de l'organisation devrait nous rendre visite sous peu. Alors effectivement là il y a un suivi très étroit là qui se fait là, sur comment seront affectés les fonds. Excellent, mais merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Alors, c'était Annie Lafontaine du Comité de solidarité Trois-Rivières et qui nous entretenait à propos du partenaire du Comité de solidarité Trois-Rivières qui s'appelle CAIFAM en Haïti. Si des gens veulent faire des dons, je rappelle comment on fait. On va sur www. www.cs3r.org et il y a un onglet « Faites un don » et vous pouvez faire un don. Et ensuite de ça, vous allez pouvoir, sur le site du comité, à l'intérieur des publications du comité aussi, pouvoir suivre qu'est-ce qui est arrivé avec ce don-là, qu'est-ce qu'on a fait avec l'argent, quels projets ont été rendus possibles. Alors, des fois, c'est intéressant de donner un don à un plus petit organisme, un peu comme le comité de solidarité Trois-Rivières, pour pouvoir suivre la différence que notre don a pu faire. Et d'ailleurs, depuis les événements, depuis le séisme en Haïti, il y a eu beaucoup de dons qui ont été faits via le comité, via plein d'autres organismes. Et sur le terrain, c'est vrai que ça fait une différence. Les dons, c'est important de continuer à donner parce que la situation là-bas, ça se résout pas. Ça va pas se résoudre du jour au lendemain. Et dans le fond, www.cs3r.org pour faire un don. On s'en va en musique avec Emperanoia, La Vida Teda. Me sorprendo triste, ¿y qué haré yo con mi vida? Lo que debo hacer con lo que quiero tener con lo que tengo. Vete tristeza, viene con pereza y no me deja pensar. Vete tristeza, tú no me interesas. Está sonando la rumba y me llama a bailar. Te da preocupación, deja la preocupa, pasa la acción. La vida te da presión y no es de garrafa, no es de sifón. La vida te da preocupación, deja la preocupa, pasa la acción. ¿Qué será de la preocupación? ¿Qué será? ¿Qué será de la preocupación? ¿Qué será? Creo que no pasa nada y algo afecta mi alma. Me siento mal conmigo misma. Me siento mal, no encuentro salida. La vida te da presión y no es de garrafa, no es de sifón. La vida te da preocupación, deja la preocupa, pasa la acción. La vida te da presión y no es de garrafa, no es de sifón. La vida te da preocupación, deja la preocupa, pasa la acción. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Qué bonito! Alors, c'était M. Paranoia sur les ondes de Sifu à l'émission L'Heure internationale, une émission de revue d'actualité nationale et internationale en 60 minutes, animée et présentée par le Comité de solidarité Trois-Rivières. Alors, je vais m'entretenir avec Mme Joanne Blais. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, Mme Joanne Blais de la table de concertation du Mouvement des femmes de la Mauricie. Oui. Alors, bonjour de la femme. Bon. On est le lendemain, mais bonjour quand même. Oui, bien en fait, souvent, c'est quand même des célébrations qui durent sur un peu plus d'une semaine. Donc, on est toujours dans le ton. Et donc, la Journée de la femme, il y a plusieurs revendications qui sont portées par le Mouvement des femmes. Ça fait longtemps que la journée existe. Les revendications aussi ont évolué à travers les âges. Et là, aujourd'hui, on est en 2011. C'est quoi les revendications principalement portées en cette Journée de la femme? Bien, pour la Journée internationale des femmes cette année, en fait, c'est en lien en fait avec la Marche mondiale des femmes qu'il y a eu en octobre dernier, en octobre 2010. Et c'est beaucoup en lien avec toute la question de la privatisation et la tarification des systèmes publics, le système de santé, le système de l'éducation, qui était porté pendant la marche d'octobre 2010 et qui est repris pour la Journée internationale des femmes là, cette année, le 8 mars 2011. Alors, les services publics, la privatisation des services publics, en quoi c'est un enjeu féministe? Pourquoi ça affecte les femmes particulièrement? Bien, en fait, quand on parle du système de santé, on sait que les femmes sont les plus grandes utilisatrices du système de santé public. C'est aussi les femmes qui se retrouvent dans ce système-là en tant que travailleuses en plus grand nombre aussi. Les femmes étant les plus grandes utilisatrices, si on arrive avec l'imposition d'une taxe à la santé et une privatisation progressive de ce régime public-là, bien, c'est sûr que les femmes qui s'en servent davantage vont être pénalisées plus que ça va aller, plus qu'elles vont être pénalisées. Et un des facteurs qui fait qu'on peut se préoccuper davantage du sort des femmes dans cette privatisation-là, c'est que souvent la précarité économique que vivent certaines personnes sont majoritairement des femmes. Donc, elles sont quand même un grand nombre à vivre dans une précarité économique avec un travail à temps partiel, faiblement rémunéré, un travail précaire, et elles ne seront pas en mesure de payer ces frais-là pour elles-mêmes et pour leurs enfants. Et là, hier, sur plusieurs tribunes, je passais d'un poste à l'autre pour entendre un peu les commentaires à la Journée de la femme. Et ça revenait souvent, en fait, plusieurs, on dirait qu'ils semblaient fatigués de la Journée de la femme. On dirait que ça les énervait. Et en fait, plusieurs commentaient des choses comme « Ah, mais aujourd'hui, les femmes, c'est plus ce que c'était, là, ici, ils ont gagné leur bataille. Pourquoi encore une Journée de la femme? » On entendait souvent ça hier. Est-ce que vous, qu'est-ce que vous répondez à ça? Bien, en fait, c'est sûr que pour les groupes de femmes, les femmes de la région qui sont impliquées, militantes pour ce qui est d'améliorer les conditions de vie des femmes de la région, ne seront sûrement pas de cet avis-là. C'est sûr que pour certaines personnes, on a une égalité de droit qui est acquise. Donc, cette égalité-là nous assure une égalité, nous donne les mêmes droits. On a le droit d'aller à l'école, on a le droit de travailler, on a le droit de voter. Bon, mais ça, c'est toutes des choses auxquelles on a le droit que depuis le début... des années 1900. Hein. On sait que ça s'est fait progressivement dans les 100 dernières années. D'ailleurs, cette année, on célèbre le 100e anniversaire de la Journée internationale des femmes. Donc, dans les 100 dernières années, on a acquis des droits. Mais quand on regarde dans les faits, on a encore une égalité de fait qui n'est pas atteinte même au Québec. Et elle se transpose souvent dans des... données statistiques qu'on relève avec Statistique Canada, Statistique Québec, qui sont reprises et analysées par différents organismes, dont le Conseil du statut de la femme. Et on voit qu'encore aujourd'hui, en 2011, les femmes n'ont qu'à peu près 65 % du revenu des hommes, bien qu'elles soient de plus en plus actives sur le marché du travail, bien qu'elles accèdent à des postes de plus haut niveau, l'écart salarial est toujours là, est toujours persistant et présent. Ensuite, pour ce qui est justement d'accéder à des postes de pouvoir, malgré que les femmes sont sur le marché du travail là, depuis un certain nombre d'années, qu'elles sont impliquées dans leur communauté, les postes de pouvoir, les postes de direction dans les entreprises sont encore majoritairement occupés par les hommes. Même dans le système de santé et d'éducation, où est-ce qu'on dit « Ah oui, mais là, les femmes sont très présentes. » Ben oui, elles sont très présentes, mais quand on regarde les postes de direction ou les postes de pouvoir en tant que président ou présidente, c'est encore majoritairement des hommes qui sont dans ces sièges-là. Donc oui, il y a plus de femmes sur leur conseil d'administration. Oui, il y a plus de femmes qui travaillent au niveau des institutions publiques de santé et d'éducation. Mais les postes de pouvoir sont encore majoritairement occupés par les hommes malgré le nombre d'années là, depuis que les femmes se sont investies dans ces lieux-là. Et là, au Québec, il existe une politique, en fait, qui vise à réduire ces inégalités-là, qui vise à aller donner plus de droits, plus de place aux femmes par le gouvernement du Québec. Qu'est-ce qu'il y en est de cette politique-là? Bien, en fait, la politique qui est sur une période de 10 ans, qui a été adoptée en décembre 2006, donc en 2010, ça faisait 4 ans que cette politique-là elle avait été présentée et adoptée, qui guide les actions gouvernementales et les actions aussi au niveau plus parapublic. Et on avait un plan d'action avec un budget qui était associé, qui a quand même été un bon levier au niveau du Québec et pour les régions pour faire avancer l'égalité. Là, en ce moment, toutefois, on est comme un peu entre deux, si on peut dire, entre deux chaises. C'est la fin de ce premier plan d'action-là et on est en attente d'un deuxième plan d'action. Il y a eu une commission parlementaire en janvier-février dernier où est-ce que une quarantaine de groupes ont été invités à aller présenter leur mémoire. Il y a aussi une consultation en ligne. Donc, il y a eu plusieurs actions qui ont été mises de l'avant. Et là, on est en attente du renouvellement du plan d'action, en fait. Donc, on espère avoir un deuxième plan d'action en matière d'égalité entre les hommes et les femmes. Un deuxième plan d'action qui serait minimal sur 3 ans, idéalement sur 5 ans. Et avec un budget associé, parce que si on veut avoir l'ambition de les ressources, si on veut avoir les ressources nécessaires là, pour aller là où est-ce que nos ambitions veulent nous porter en matière d'égalité au Québec, il faut y mettre les ressources financières, continuer à soutenir les groupes au niveau national, régional et au niveau local pour aller toucher les femmes et la population un peu partout où est-ce qu'elles se trouvent là. Et s'il y a certains de nos auditeurs qui veulent en apprendre un peu plus sur la Journée de la femme, qu'est-ce qui se passe en Mauricie ou même au Québec au niveau du droit des femmes? Qu'est-ce qui reste à faire et comment on le fait? Comment on s'informe là-dessus? Bien, en fait, pour ce qui est de la Journée internationale des femmes, qui était hier, comme je disais tantôt, en fait, c'est toujours quasiment une semaine d'activités, de festivités un peu partout au Québec. Donc, en Mauricie, les activités sont pas mal passées, je dirais, mais il reste encore le samedi, le 12 mars prochain, le samedi qui s'en vient, une grande mobilisation qui va avoir lieu à Montréal en lien justement avec nos préoccupations pour ce qui est de la privatisation et la tarification des services publics. Et c'est organisé par l'Alliance sociale et aussi par la coalition contre la tarification et la privatisation des services publics. Et il va y avoir des autobus qui vont quitter la région samedi prochain pour s'inscrire. On peut s'informer auprès des différents syndicats, entre autres de la CSN et aussi auprès du ROM, là, qui est un regroupement d'organismes communautaires dans la région. Pour s'inscrire, on peut appeler là au 819-379-2889. Donc, ça, c'est une action bien concrète qui peut avoir lieu samedi prochain pour aller dire qu'on est contre ces actions-là, cette voie-là que le gouvernement est en train de prendre, qui est, à notre avis, un vent plutôt conservateur, plus de droite, qui s'inscrit dans notre conjoncture politique néolibérale et capitaliste actuelle. C'est sûr que toute personne qui veut en savoir davantage peut aussi consulter les différents sites web, que ce soit le nôtre, celui du Conseil du statut de la femme, du secrétariat à la condition féminine. Il y a plusieurs lectures intéressantes, entre autres avec la Gazette des femmes. Il y en a un numéro là, qui vient d'apparaître là, en mars là, en lien avec la Journée internationale des femmes. Moi, je pense que s'informer, c'est toujours la première chose à faire. Mieux connaître notre réalité de femme, que ce soit dans notre région au Québec ou par rapport aussi aux femmes dans le monde, parce que la journée est internationale, parce que on peut considérer que notre situation au Québec, pour nous les femmes, elle est quand même assez bonne. Mais il faut pas oublier qu'il y a des femmes ailleurs dans le monde qui subissent encore de grandes violences, qui vivent dans d'extrêmes pauvretés. Cette journée-là se veut internationale aussi pour qu'on n'oublie pas qu'il y a des femmes ailleurs dans le monde qui ont besoin qu'on lutte encore pour leurs droits. Parce que nous, l'égalité de droits est acquise, mais ailleurs dans le monde, il y a des femmes qui n'ont pas cette égalité de droits-là. Eh bien, le message est passé. Oui, ça me fait plaisir. Merci beaucoup, Mme Blais. Merci, puis j'espère que vous allez continuer à promouvoir la Journée internationale des femmes puis à sensibiliser les jeunes de la région sur cette question-là. Bien oui, merci beaucoup. Merci. Bonne fin de journée. Salut. Alors, c'était Joanne Blais de la table de concertation du Mouvement des femmes de la Mauricie. Ça fait le tour de l'actualité pour cette semaine. Alors, c'était l'Heure internationale, une émission animée et produite par le Comité de solidarité Trois-Rivières. Je m'appelle Alexandre Gauthier et on se dit à la semaine prochaine. On se quitte avec une pièce musicale de Nina Simone. Alors, bonne fin de semaine. Me, leave me, let me be lonely. You won't believe me, but I love you only. I'd rather be lonely than happy with somebody else. You might find the nighttime the right time for kissing. Nighttime is my time for just reminiscing. Regretting instead of forgetting with somebody else. There'll be no one unless that someone is you. I intend to be independently blue. Say, hey, hey, I want your love, don't wanna borrow. Have it today to give back tomorrow. Your love is my love, there's no love for nobody else. Sur les ondes de C'est fou, voici maintenant le bulletin de nouvelles de la première chaîne de Radio-Canada.